ce que j'aurais échoué dans mon rôle. Sous l'emprise de la folie ou de l'alcool, les mots sont durs et avec eux j'ai fait pleurer ta mère. Sur mon synthé de l'émotion, l'antidote à ta mère. La santé affaiblie par tant de pertes dans le temps. De veines mutées dans les veines, du sang dilettant. Ça reste ancré dans les gènes et se voit dans les pupilles. De mère en père et de père en fille. Je ne sais pas si tu m'aimeras, mais moi plus que tout. Sinon ma vie sera de l'escalade sans mousqueton. Je serai bon ou peut-être mauvais. Tu parleras de moi de façon à t'envier ou pas, que j'ai mal à en crever. Tu es ma chère, ce cadeau sans prix. Et si je fais un pas de travers, laisse-moi, je t'en prie, j'éviterai les erreurs. C'est promis, écoute, que ton cœur soit imperméable aux autres et ne fais jamais de contrôle. Il t'a donné la vie, il t'a pris dans ses bras. Elle a dit merci, il a réalisé au bout de quelques mois. Elle t'a pris dans son cœur et mis dans son esprit. Ils ont pris soin de toi dès les premiers cris. Elle t'a donné la vie, il t'a pris dans ses bras. Elle a dit merci, il a réalisé au bout de quelques mois. Elle t'a pris dans son cœur et mis dans son esprit. Ils ont pris soin de toi dès les premiers cris. Et si tu souffres autant que moi, c'est que j'aurais échoué dans mon rôle. Sous l'emprise de la folie ou de l'alcool, ouais. Les mots sont durs et avec eux j'ai fait pleurer ta mère. Sur mon synthé de l'émotion, l'antidote à ta mère. La vie est belle mais j'aime pas trop ce monde. On verra ça plus tard quand tu viendras me poser des questions. À toi en plus c'est moins contraignant. Et que nos plumes se mêlent un jour qui sait, comme avec mon frère. Mais si les passions diffèrent, peu importe. Pourvu que t'en aies une, tu verras le bien qu'elle t'apporte. Je briserai tes rêves de petite fille, puisque je te mentirai jamais. Je serai l'incompris de la famille. Tu les connaîtras, ces humains dans les pensées frais. Et comme ton père, tu ne pourras plus les piffrer. Je te donnerai des étoiles récemment développées. Il y a 7 ans, je vais faire passioper à ta maman. Elle t'a donné la vie, il t'a pris dans ses bras. Elle a dit merci, il a réalisé au bout de quelques mois. Elle t'a pris dans son cœur et mis dans son esprit. Ils ont pris soin de toi dès les premiers cris. Elle t'a donné la vie, il t'a pris dans ses bras. Elle a dit merci, il a réalisé au bout de quelques mois. Elle t'a pris dans son cœur et mis dans son esprit. Ils ont pris soin de toi dès les premiers cris. Et si tu souffres autant que moi, c'est que j'aurais échoué dans mon rôle, sous l'emprise de la folie ou de l'alcool. Les mots sont durs et avec eux j'ai fait pleurer ta mère. Sur mon synthé de l'émotion, l'antidote à ta mère. J'oublierai pas de t'aimer et te le ferai savoir, puisque j'ai donné le feu vert afin de t'avoir. J'essuierai tes larmes et détruirai tes doutes. Tu es né d'un instant d'amour à moi toute. Et si je deviens un père absent ou indigne, c'est qu'au lieu du sang mon sang j'aurais choisi les vignes. Mais heureusement ta mère est là et ça m'évite de partir en vrille, d'aimer les miens et d'être exemplaire aux yeux de ma fille. Dans ses bras, elle a dit merci, il a réalisé au bout de quelques mois. Elle t'a pris dans son cœur et mis dans son esprit. Ils ont pris soin de toi dès les premiers cris. Elle t'a donné la vie, il t'a pris dans ses bras. Elle a dit merci, il a réalisé au bout de quelques mois. Elle t'a pris dans son cœur et mis dans son esprit. Ils ont pris soin de toi dès les premiers cris.